Bismillahirrahmanirrahim. Ve'ş-şemsi ve duhâhâ. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par le soleil et par sa clarté. Wal-qamari idha talaha. Et par la lune quand elle le suit. Wan-nahari idha jallaha. Et par le jour quand il l'éclaire. Wal-layli idha yaghshaha. Et par la nuit quand elle l'enveloppe. Was-samaa'i wa ma banaaha. Et par le ciel et celui qui l'a construit. Wal-ardi wa ma tahaaha. Et par la terre et celui qui l'a étendue. Wa nafsin wa ma sawwaaha. Et par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaaha. Et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété. Qad aflaha man zakkaha. A réussi, certes, celui qui la purifie. Wa qad khaba man dassaha. Et est perdu, certes, celui qui la corrompt. Kadhabat Thamud bi tagwaaha. Les Thamoud, par leur transgression, ont crié au mensonge. Idhin ba'atha ashqaaha. Lorsque le plus misérable d'entre eux se leva pour tuer la chamelle. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا. Le messager d'Allah leur avait dit, la chamelle d'Allah, laissez-la boire. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا. Mais ils le traitèrent de menteur et la tuèrent. Leur Seigneur les détruisit donc pour leurs péchés et étendit son châtiment sur tous. Et Allah n'a aucune crainte des conséquences.